Oui, madame, dit la mère Bijou. Donc Ida Mort, il se nomme Ida Mort, c'est son nom de guerre, car il s'appelle Chardin. Ida Mort a supposé que votre oncle devait avoir bien plus d'argent qu'il ne le disait, et il a trouvé moyen d'envoyer, sans que ma fille s'en doutât, Élodie, sa sœur, il lui a donné un nom de théâtre, chez nous, comme ouvrière. Dieu de Dieu, qu'elle y a mis tout sans dessus dessous! Elle a débauché toutes ces pauvres filles, qui sont devenues indécrottables sous votre respect. Et elle en a tant fait qu'elle a pris pour elle le père Toul, et elle l'a emmené, que nous ne savons pas où, que ça nous a mis dans un embarras rapport à tous les billets. Nous sommes encore au jour d'aujourd'hui sans pouvoir payer, mais ma fille qui est là-dedans veille aux échéances. Quand Ida Mort a vu le vieux à lui, rapport à sa sœur, il a laissé là ma pauvre fille, et il est maintenant avec une jeune première des funambules. De là le mariage de ma fille, comme vous allez voir. Mais savez-vous où demeure le matelassier? Demanda Josépha. Le vieux père Chardin? Est-ce que ça demeure, ça? Il est ivre de 6 heures du matin, il fait un matelas tous les mois, il est toute la journée dans les estaminets borgnes, il fait les poules. Comment il fait les poules? C'est un fier coq. Vous ne comprenez pas, madame, c'est la poule au billard. Il en gagne 3 ou 4 tous les jours, et il boit. Des laits de poule, dit Josépha,